moi c'est brother gros, j'ai dit plein de fois. Autrefois. Histoire de famille. Depuis le départ, y'a plus de hip hop now. Y'a que de faux et de fake et de make of mine. What? Hater rap dans ta face sans ça. J'aurais voulu que ça se passe mieux, mais y'a trop façade. Yo, trop de défis, faut faire face à ça. Trop d'heures, on est une classe à part. You know, on est pour à l'étage, on est pris dans le marécage. Dans les charges, il est pas ton proche et ça n'efface pas les pages. Garde-toi toujours un backup, tu crois que tu peux te le permettre. La vie, c'est comme les bons cœurs, mais toujours une carte à part. On n'est pas des avatars, ni des malabords, mais c'est ça le bâton. Toujours fort et prêt à refaire face à la mort. Refaire face à la mort. C'est brother gros, j'ai dit plein de fois. Dog.